Coucou. Bonjour, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette 734e émission. Une émission de rendez-vous avec vous, hein, que vous connaissez, bien évidemment, 734e. Ça fait un bail, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Nous sommes ensemble pendant au moins presque 2 heures. On va essayer d'occuper ce moment de privilège avec le maximum de plaisir. On va commencer tout de suite avec cette belle, belle mélodie. Se revoir, ça fait longtemps que j'y pensais. Je n'ai pris que pour seul bagage les mélodies que tu aimais. Ils sont bien là, les beaux dimanches, les beaux dimanches de printemps. Alors profitons de la danse pendant qu'il en est encore temps. C'est pas beau tout ça. Ça commence fort, hein. Ah oui, ça commence fort. On est dans la douceur la plus complète. On y retourne? Allez, on y retourne. De moi la felicità, c'est regarder devant les cheveux dans le vent. La felicità, c'est la vie simplement dans les yeux des amants. La felicità, felicità, felicità, c'est la paix sur la terre, un vieux rêve qu'on espère. La felicità, c'est l'amour avoué quand on se dit je t'aime. La felicità, c'est l'entendre me dire tu es mon avenir. La felicità, felicità, c'est une chanson dans le cœur. Une mélodie aux couleurs de l'Italie, un sentiment de bonheur, la felicità. J'ai une chanson dans le cœur qui résonne, elle me rappelle ton Italie. Sentiment venu d'ailleurs, la felicità. Nous sommes dans cette ambiance que l'on aime et que l'on recherche parfois à mettre toutes les pièces de notre côté. C'est comme ça qu'on dit. Allez, on va rester dans ces moments qui nous sont si... comment dire ? Je trouve même pas le mot. J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois qu'une très vieille femme en noir illuminait pour moi. Une maison toute en pierre que la mer a rongée. Au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées. Je viens déçu et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. Mélange d'un chant barbare et d'un ciel d'Italie. Des colères monumentales que les vents m'ont soufflé.

plus de tonnelles pour abriter les cœurs. Les musiciens n'existent plus. J'ai pas connu ni l'endroit ni la rue. Au rendez-vous des musettes, c'était le nom de ce bal. Vous l'avez connu peut-être, juste à côté du canal. Au rendez-vous des musettes, c'était sympa et génial. Lorsque j'y pense, ça me fait drôle au cœur. C'était le temps du bonheur. Le temps du bonheur, c'est lorsque nous sommes ensemble, tout simplement, et lorsque vous écoutez tout simplement le 91 et le 102.5, tout particulièrement, bien sûr, quand vous êtes en rendez-vous avec vous, bien évidemment. Nous sommes là pour nous divertir et nous égayer un tout petit moment. Jessica, la Mexicaine, c'est parti. On continue, voici ma jolie Mexicaine. Thank you. oui, mais on va venir aux fondamentaux avec une petite chanson d'amour. Petite chanson d'amour qui nous permet tout simplement de remettre à jour eh bien, les niveaux. Et oui, tout simplement. Vous êtes toujours là ? Eh bien, si vous êtes là, on va continuer. Mais avec quelqu'un que vous connaissez bien, il s'appelle Georges Moustaki et il nous parle du vieux Joseph. Est-ce que c'est mon vieux Joseph que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. Eh oui, Joseph, Marie, pourquoi pas? Et puis nous sommes bien sûr toujours là, ensemble, avec ces moments que nous recherchons parfois. Pas toujours, mais parfois. Et parfois, ça nous fait du bien. Vous êtes toujours là? On va continuer? Est-ce que vous voulez qu'on continue? On va continuer? Allez, on va continuer avec... tiens, avec quoi allons-nous continuer? On va peut-être continuer... Allez, comme dans une chanson américaine. Peut-être, peut-être. Allez. Petite chanson américaine. Entre toi et moi, c'est la love story. Je te dis my love et tu me réponds baby. Nous vivons un peu comme au Tennessee. Même si nous gardons bien notre accent Frenchie. Comme d'habitude, nous chantons my way. Et puis on enchaîne avec night and day, comme dans un standard écrit par Elvis. Après chaque refrain, on se fait des French kiss. Comme dans une chanson américaine, nous vivons tous deux on a road again. Nous roulons le joujou en la nuit. Ensemble, comme dans une chanson américaine, notre histoire connaît une happy end. C'est jamais fini dans les séries, mais in Hollywood, in Californie, on se mange un mac. Et puis au feeling, je propose un western. Hey, ça te dit darling? T'es toujours ok pour jouer les cow-boys. Tu es ma big star, hey, moi ton little boy. On aime les polars, même les vieux Hitchcock. Papi Sinatra et bien sûr le rock. Quand on se mariera, on se dira yes. Direction Miami ou Los Angeles. Comme dans une chanson américaine, nous vivons tous deux on the road again. Nous roulons le joujou en la nuit. Des country style, Memphis, Tennessee. Hey. Comme dans une chanson américaine, notre histoire connaît une happy end. Ah

un refrain chantait, tendre et monotone, mes jeunes années. Il y avait des G.I., des cibiches criées, au pied des jukebox, du temps des yéyés. J'ai rangé dans ma mémoire l'aventure de mes 15 ans, les souvenirs d'une histoire qui ne fut qu'un court instant. J'ai rangé dans ma mémoire mes habits d'adolescent, mon tout premier blouson noir et mes jeans pas d'éléphant. J'ai rangé dans ma mémoire l'aventure de mes 15 ans, les souvenirs d'une histoire qui ne fut qu'un court instant. J'ai rangé dans ma mémoire mes habits d'adolescent, mon tout premier blouson noir et mes jeans pas d'éléphant. Voilà quelques souvenirs de notre jeunesse, bien que dans nos cœurs, la jeunesse soit toujours là, bien que, bien sûr, les années passant, nous accusons le coup, comme on dit. Mais c'est tout dans la tête que ça se passe, n'est-ce pas? À défaut d'ailleurs. Je vous vois, petite coquine, je vous vois. Un petit tango? Allez, un petit tango d'amour. Te souviens-tu de la première danse? Te souviens-tu quand je t'ai enlacé? Pour un tango, nos deux cœurs en errance soudain se sont trouvés pour ne plus se quitter. Pourtant ce soir, je n'ai plus l'âme en fête. Pourtant ce soir, je ne veux plus rêver. C'est un tango qui nous a fait tourner la tête. Et ce tango, tu sembles l'oublier. Rappelle-toi, chérie, du joli tango d'amour, de cette mélodie, joli rêve de velours. Si tu voulais encore te blottir contre mon cœur, je t'emmènerai loin d'ici, oublier tous nos soucis, à nous deux le paradis. Danser comme deux amants au bal du carnaval, pour s'aimer comme avant, sous une pluie d'étoiles. Tu sais me rendre fou, et je voudrais ce soir recommencer l'histoire. Appelle-toi, chérie, du joli tango d'amour. Ce soir pour toi, je viens chanter ce joli tango d'amour. Je viens chanter ce joli tango d'amour. Ah, vous avez le droit d'embrasser la cavalière si vous avez fait ce petit tango d'amour, n'est-ce pas? Autrement, je ne sais pas, mais combien faut-il de temps, par exemple, dans cette chanson? 3 minutes 35. Oh, notre amour est blessé. Nos deux cœurs lui ressemblent. Nous avons traversé le grand orage ensemble. Mais au bout du chemin, après tant de chagrin, je te retrouve enfin, toi comme la première fois. Combien faut-il de temps pour bâtir un amour? Combien de routes et d'océans avant de pouvoir s'aimer un jour? De promesses en peut-être en toujours. Dis-moi combien faut-il de temps pour bâtir un amour. Il a fallu souffrir mille et une tristesses avant de découvrir ces instants de tendresse. Tant d'années à chercher le secret du bonheur pour enfin le trouver là tout au fond de nos cœurs. Combien faut-il de temps pour bâtir un ça se termine mal. Ah oui, ça se termine même très très mal. C'est pas grave, on va réparer tout ça avec une petite balade.

temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. découvrir un chemin d'amour et d'amitié, croire en son étoile, ne douter de rien et de cendre en satin, pouvoir tout changer. Sur le quai, je la vois qui me sourit.

mandata da Dio. Le quart d'heure italien, c'est sur le 91, sur le 102.5, Sorgia FM, le mercredi, le dimanche et le lundi, l'émission Rendez-vous avec vous, toujours présent avec le quart d'heure italien. Do sarà il suo pianto. Une chanson parle de nos mamans, elle ne peut être que magnifique. Et bien sûr, les paroles de cette meravigliosa canzone de per la mamma, pardon, hein. Je suis obligé de prendre cette intonation en italien parce que c'est vrai que cette chanson, elle est magnifique. Sai cos'è? Ti arriva un lampo dal cielo, dimmi perché. Non mangi, non dormi e la mente più non ci sta. I misteri legati al tuo cuore non capirà. Prova a indossare un sorriso solo per me. Le mie labbra son pronte, son dolci solo per te. Non vivi e il tuo pensiero non cambierà. Il destino che guida il tuo cuore non passa di qua. Occhi blu, occhi blu, sei spuntata dal nulla nel cuore, e da oggi io conto le ore che voglio passare con te. Occhi blu, sono azzurri e più belli del mare, solo tu mi sai regalare l'amore più grande che c'è. Cuore sincero e lo metterò in un angolo azzurro del cielo, così capirò che mi ami e sono l'uomo fatto per te. Molla tutto e lascia stare, di meglio non c'è. Occhi blu, occhi blu, sei spuntata dal nulla. nulla nel cuore. Ed oggi io conto le ore che voglio passare con te. Occhi blu sono azzurri e più belli del mare. Solo tu mi sai regalare l'amore più grande che c'è. Occhi blu, occhi blu. L'amore più grande che c'è. Occhi blu, solo tu sei la donna che voglio sposare. Sei la donna che voglio per me. Sei la donna che voglio per me. Sei la donna che voglio. Occhi blu. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Allez, encore quelques minutes. Nous allons terminer cette émission avec ceci. Colline che dan serenità. Vorrei tenerti per la mano e camminare piano piano, sognare in compagnia del nostro amor. Vieni con me nell'oltrepò quando ritorna l'aprile. Mostrerò cos'è il paradiso, prati e colline d'oltrepò, non li potrai scordare, ci torneremo già, lo so, per vendemmiare amore. Oltrepò, vieni con me. Gusteremo il vino che ha sapore. Oltrepò, vieni con me nell'oltrepò. In mezzo a gente vera ti porterò. Il contadino che lega le viti terra le sue radici e mai le taglierà. Amor con te vorrei brindare al suo lavoro e al nostro amore. Amor sincero come l'oltrepò. Quando ritorno l'aprile, cos'è il paradiso, prati e colline d'oltrepò, non li potrai scordare, ci torneremo già, lo so, per vendemmiare amor. Oltrepò, vieni